muchacho. Ese bien sí. Gravé en ayer, chéri en toi, sauf qui un jour va tout lire. Dessiné l'amour, l'obanamo t'aimais a déjà fait. Come on. Balingi koka twe Namposa yama yo Mami waza Digidi Digidi digidi Nalula Ah digidi Digidi digidi Baza kata Kwa molanga yere Eza ni référence familiale Ya prestige Baza ne tumba o Ya la vie mama Na kolonga Atanka Malgré ma bonne lignée, surtout, et nous aurions répondu. achevé. Tous les humains nous vivent en main, pas à Kosenga Lobiko. Notre Père qui est aux cieux, sois un peu plus proche de nous. Mokolo mususu mwa moke, bimisa moto na mapata. SOS, la tiers monde à venir réveiller. Que de là, la favela, mon nanamaï a kouna. Moki les aïaïo ya satanette, et pourtant tous vivre en enfer. Ya aux abons indulgents, ya oui aux miséricordes. On se plaint à chivé, et baki sa mine à partir de la Sahel. SOS, la terre mon avenir est oui. Que de l'art n'a pas favela, nous n'en avons pas kuna. Pour qu'il les aille, il y a satanate, et pourtant tous vivre en enfer. L'homme n'a pas assez de toute sa vie pour changer la terre en chant d'amour. Oh,

tozo makate ngana koma sonie ya famina biso nani mwana mabe basi kisakanga lisusute bala kisakanga misapi na nzela kaka po pepe nanga azana tatate bama solo na yo na bami yo na ngai c'est dans le temps passé Ningue tolinganaka na l'amour à folie Ningue tolakanaka se pelikolo Ningue tokanaka toya tombota mwana Ningue topesa ki e deja kombo Romeo Na bosanite sokota Balobaka balobaka oublie le passé Wana maloba mpamba lelo na yebie Balobaka balobaka oublie le passé Makamu mususu babosa na kate Angele mawate Soki pe destine Nangale ka est Zonga mwopoli po sokoto Yote akwele Vinyo so ya mutuli Yaka mwopoli po sokoto Yote akwele Vinyo so ya mutuli Mama e na koma komilela na koma mwana mwali na sala mimi vama na nzambe mwadi kanga bui na koma malouze ebale mozindo sopi na eba kite zala kabolingo nena tia kite mousaki a kokodi a trecheville a tchepi ou kejeni on dit quoi Oh, Kiembala. J'ai une foule en main.